Le sable d'or, mais les veilleurs, non. Ces viewers attendent le moment présenter l'observation, la préparation, la solitude majestueuse du désert. Vous croyez que le vide fait peur? Moi j'y ai construit mes fondations. Chaque jouet est un éclat dans l'ombre, chaque stream de lumière qu'on trace dans le vent, et de ce qu'il n'est pas seul, il est suivi. Je crée pour eux, pour vous, parce que vos regards me poussent à continuer. Parce que dans ce désert numérique, on a besoin d'un guide. On a Rider Skill. Le stream s'éteint peut-être, mais la trace reste dans l'écran. Et quand demain revient, Rider Skill sera là.